Il y a peu de temps, l'UNESCO a ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'humanité 48 sites, parmi lesquels un site français, la juridiction de Saint-Émilion. Jean-Sébastien Petit-Demange, journaliste au Guide du Routard et collaborateur de Champs-Élysées, nous emmène au cœur du Bordelais. C'est l'un des plus riches et des plus célèbres terroirs de France. C'est aussi l'un des plus beaux paysages de toute l'Aquitaine. Imaginez un petit matin diaphane, sur les coteaux tout engourdis par la fraîcheur de la nuit, l'aube naissante a posé les premières lueurs du jour. Tout est calme, la campagne dort encore, tout est fragile et lentement le soleil va se lever. D'un rayon, il va saupoudrer d'or pâle chaque recoin de la nature et dans les trouées vaporeuses va apparaître le clocher d'une église, la silhouette d'un donjon, un pan de haute muraille. Saint-Émilion va émerger d'un de ses songes nocturnes. La mythique cité du vin va se dévoiler à vous, silencieuse, délicate, dressée sur sa colline comme un phare au milieu d'un océan de vignes. Et c'est avant tout pour cela que l'UNESCO a classé toute cette région de Saint-Émilion au patrimoine mondial de l'humanité. Alain Denis, l'auteur de Saint-Émilion, au-delà d'une appellation aux éditions du Damalisque. Parce que ce pays est dédié au vin, à la viticulture, c'est un paysage exceptionnel, entièrement donc consacré à cette économie du Bordelais. Il y a bien sûr des monuments historiques, un sol exceptionnel, on trouve des flacons magiques comme le château Cheval Blanc ou le château Ozone qui font un petit peu rêver les Français et puis également les étrangers. Et puis on peut dire également que Saint-Émilion, c'est une belle petite cité médiévale. On peut y découvrir une église gothique, des remparts, je dirais attaqués par la végétation. Et c'est à la nuit tombante ou au petit jour que ce bijou dans un écrin couleur rubis se révèle au mieux de sa beauté. On retrouve ici tout ce qui fait le charme d'une cité médiévale, avec ses ruelles pentues aux pavés incertains, ses églises gothiques à la majestueuse architecture, ses petites places blotties au creux du village où il fait bon prendre le frais, et cette cascade de toits rouges dévalant vers les vignobles. L'origine de la ville remonte bien loin, au 8e siècle, époque où vint s'installer dans un ermitage creusé dans le rocher Émilion, un ermite errant. Rejoint par plusieurs moines, ils se mettent à creuser des grottes, puis ils édifièrent la première église monolithe autour de laquelle se créa le village originel. Mais la commune ne fut fondée qu'en 1199 par Jean Santerre. C'est lui qui créa la première jurade de Saint-Émilion, la plus vieille confrérie de vignerons qui soit. Historiquement, cette jurade est née en Normandie, et à Falaise, très précisément par la charte de Falaise au XIIe siècle. Jean Santerre confirma les privilèges accordés par Richard Cœur de Lion à Saint-Émilion. Cet acte est en fait à l'origine de la jurade, et les jurats étaient à la fois magistrats, administrateurs, chefs militaires et collecteurs d'impôts. Un rôle primordial leur était dévolu quant à la production du vin. Et en fait, cette jurade s'est reconstituée en 1948. Elle contrôle la production, les chais et les barriques. Et les jurats revêtent leur robe rouge bordée d'hermine deux fois par an, en fait. À l'automne, premièrement, pour l'ouverture des vendanges. Et au printemps, pour décider si la récolte précédente peut recevoir le sceau Saint-Émilion. Et c'est du haut de la tour du roi que cette confrérie des Jurats proclame le ban des vendanges. Dans le cas fort rare où les éléments trop incléments ont rendu la récolte mauvaise, ils décident de brûler symboliquement une barrique pour signifier que le vin cette année-là n'aura pas le droit à l'appellation fameuse. Alors bien sûr, la ville vit du vin, un vin merveilleux, presque mythique. Mais à Saint-Émilion, c'est aussi une merveilleuse visite qu'on entreprend. De la place du marché, pentue, pavée avec un petit acacia au centre, on peut aller visiter la grotte de l'Ermitage, où Émilion habitait. L'église monolithe est la plus grande du genre en Europe. Elle est taillée dans le calcaire de la colline et c'est un moment impressionnant lorsqu'on la pénètre. On y voit encore des bas-reliefs et des sculptures du XIe siècle. Plus que la ville, c'est toute la juridiction de Saint-Émilion qui a été classée par l'UNESCO. Et vous allez découvrir Saint-Sulpice de Falérance, Saint-Laurent-des-Combes et son église romane, Saint-Étienne-de-Lys avec son château du XIIIe siècle, mais également les châteaux Figeac, château Cheval Blanc, château Canon et château Angélus. Et puis château Ozone, qui met de l'antiquité dans Saint-Émilion. Ozone, le dernier grand poète latin, le premier des grands crus mythiques. et ces vins rubis, lorsqu'ils sont jeunes, prennent des couleurs de topaze en prenant de la bouteille. Ils ont des arômes puissants, des saveurs robustes, mais ils restent souples et délicats. C'est peut-être cela la magie du vin de Saint-Émilion. C'est une découverte à chaque gorgée. On ne s'en lasse jamais, tout comme de ces paysages presque toscans, de ces étendues vallonnées piquetées de bosquets et de parcs signalant ces châteaux que l'on retrouve sur toutes les tables du monde.